Chant numéro 24. Ô compagnie élue à cette grande scène de l'agneau sacro-saint qui vous nourrit si bien que tous vos appétits se voient toujours comblés, si la grâce de Dieu veut que cet homme goûte les miettes qui pourront tomber de votre table avant que la mort mette à son âge une fin, voyez l'immense amour qui le pousse. Offrez-lui, vous qui buvez toujours à la même source, d'où vient ce qu'il attend, la goutte de rosée. Ainsi dit Béatrice, et ses âmes heureuses tournaient comme le globe autour des pôles fixes, brillant d'un feu plus vif que ne font les comètes. Comme une horloge marche au moyen des rouages, qui tournent de façon que lorsqu'on les regarde, l'une semble repos, l'autre paraît voler, ces caroles, dansant chacune à sa manière, laissaient voir le degré de leur propre richesse, selon que leur allure était plus vive ou lente. De celle où je crus voir les plus grandes beautés, se détacha soudain un feu si bienheureux que nul ne laissait voir un éclat aussi vif. Il tourna par trois fois autour de Béatrice, au rythme de son chant, qui semblait si divin que mon esprit n'a pas le moyen de le dire. Ma plume saute donc, sans rien vouloir écrire. Puisque la langue et même l'imagination, pour rendre de tels plis, sont des couleurs trop crues. Ô ma très sainte sœur, qui si dévotement me le vient demander, l'ardeur de ton amour me fait me détacher de ma belle guirlande. Cette flamme bénite, après s'être arrêtée, dirigea du côté de madame l'haleine qui prononçait les mots que je viens de citer. Ô lumière sans fin, dit-elle, du grand homme à qui notre Seigneur a confié les clés du suprême bonheur qu'il offrit à la terre, examine à ton gré celui-ci sur des points simples ou délicats concernant cette foi qui te faisait marcher sur la face des eaux. S'il aime bien, s'il croit et s'il espère bien, tu ne l'ignores pas, car ton regard se pose au point où tout objet se trouve figuré. Mais comme ce royaume acquiert ses citoyens par la foi véritable, il convient qu'on lui donne ici l'occasion de parler à sa gloire. Comme un bachelier se prépare en silence, attendant que le maître termine l'exposé, sinon pour le trancher, pour discuter ses termes, tel je me munissais de toutes les raisons, pendant qu'elle parlait, pour soutenir au mieux une pareille thèse, et devant un tel maître. Parle donc, bon chrétien, dis-moi ce que tu sais. Qu'est-ce donc que la foi ? Moi, je levai la tête, pour mieux voir la clarté qui me soufflait ces mots. Puis je me retournai vers Béatrice. Elle fit signe promptement de laisser se pencher vers le dehors le flot des sources du dedans. La grâce qu'on me fait, dis-je alors, de pouvoir ainsi me confesser au plus grand primipile, m'incite à formuler clairement ma pensée. Je poursuivis. Mon père, ainsi qu'avait écrit le stylet qui dit vrai du frère bien-aimé, qui mit Rome avec toi sur le chemin du bien, la foi, c'est l'argument des choses invisibles, et la substance aussi des choses espérées. Si je l'ai bien compris, c'est là sa quidité. Alors je l'entendis. Ce que tu dis est vrai, si tu sais dire aussi pourquoi l'a-t-il placé parmi les arguments et parmi les substances. Je repris aussitôt. Les mystères profonds qui me montrent ici leur face véritable restent si bien cachés au regard de là-bas que leur seule existence est la foi qu'on en a et dans laquelle on met notre suprême espoir. Et c'est par là qu'elle a l'aspect d'une substance. Comme il faut, d'autre part, syllogiser sur elle, sans qu'on puisse produire une preuve à l'appui, et l'acquiert de ce fait un aspect d'argument. J'entendis qu'il disait « Si tout ce qu'on apprend sur terre était ainsi compris, l'école verrait sans emploi tout l'esprit des sophistes. » Ce furent là les mots de cet esprit ardent. Ensuite il ajouta « Nous avons déjà vu le poids de la monnaie ainsi que son alloi. Mais dis-moi maintenant si tu l'as dans ta bourse. » Je dis « Oui, je l'ai bien, si ronde et si brillante que son coin ne fait pas le moindre objet de doute. » La profonde splendeur qui brillait devant moi dit ensuite ces mots. « Ce joyau précieux qui fait le fondement de toutes les vertus, comment est-il venu ?» Je dis, du Saint-Esprit, la copieuse ondée, autrefois épanchée au-dessus des nouveaux et des vieux parchemins, est le seul syllogisme où je l'ai vu prouver, mais si pertinemment, que par rapport à lui, les démonstrations me paraîtraient obtuses. Puis j'entendis « Le texte ancien et le nouveau, qui t'ont fait arriver à ces conclusions, pourquoi donc les tiens-tu pour paroles divines ?»« La preuve, dis-je alors, qui m'a fait voir le vrai, est la suite des faits, pour lesquels la nature n'a pas chauffé le fer, ni frappé sur l'enclume. » Il me fut demandé, « Mais, dis-moi, qui t'assure que ces faits ont eu lieu ? Car ceux qui les confirment, n'est-ce pas justement ce qu'il faudrait prouver ?» Si tout le monde vint, dis-je, au christianisme sans miracle, ce fait en étant en lui-même, est tel que tout le reste est moins que le centième. Car toi-même, tu vins bien pauvre et affamé au champ quand tu voulus semer la bonne plante qui, vigne en d'autres temps, est ronce maintenant. Après ces mots derniers, l'illustre et sainte cour fit retentir la sphère en chantant « Louons Dieu » avec les doux accords qu'on ne sait que là-haut. Ce saint homme, pourtant, qui m'avait entraîné avec son examen, sautant de branche en branche, au point de m'approcher des feuilles les plus hautes, reprit presque aussitôt. « La grâce qui se plaît à meubler ton esprit t'a fait ouvrir la bouche de la seule façon qui convient jusqu'ici. Et je suis bien d'accord avec ce qu'il en sort. Mais il faut maintenant dire ce que tu crois. » Et d'où cette croyance arriva jusqu'à toi ? Ô mon Saint-Père, esprit qui peut voir maintenant ce que tu crus jadis si fort, que tu vainquis, courant vers le tombeau des pieds beaucoup plus jeunes, commençai-je, tu veux que je te manifeste ici même le fond de ma propre croyance, et demande aussi quelle en fut la raison. Vois ce que je réponds. Je crois en un seul Dieu, seul, éternel, qui met les cieux en mouvement par l'amour et l'espoir, sans être mu lui-même. À la preuve physique et la métaphysique de cette foi, j'ajoute aussi les arguments puisés dans tout le vrai qui coule à flot d'ici, par la voix de Moïse et celle des prophètes, les psaumes, l'évangile, et par vous, écrivains, que le feu de l'esprit avait alimenté. Je crois à la personne éternelle et triplée. Je crois que son essence est une et triple, en sorte qu'on peut dire qu'elle est et sont en même temps. Le mystère divin de sa condition, que je commente ici, le texte évangélique l'a mis dans mon esprit à plus d'une reprise. Telle fut l'étincelle, et tel fut le principe qui s'est épanouie dans une vive flamme et qui sentit en moi comme une étoile au ciel. Comme le maître écoute un rapport qui lui plaît, et quand le serviteur s'est tu, vient l'embrasser, montrant qu'il est content de la bonne nouvelle, ainsi, me bénissant au milieu de son chant, trois fois vint m'entourer la flamme apostolique qui m'avait fait parler, sitôt que je me tus, tant il eut de plaisir à m'avoir entendu.